Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 4, colonne 5. Fitchburg, Massachusetts. Les deux maisons de Thomas Sullivan, sur la route Pratt, sont brûlées vendredi pendant la nuit. Il n'y avait que $500 d'assurance pour les bâtiments et $200 pour le mobilier. Nelson Leonard s'est suicidé à South Attle vendredi dernier en plaçant un fusil dans une pile de bois et en se déchargeant le cou dans la poitrine au moyen d'une baguette. Sa mort a été instantanée. C'était un jeune homme en bonne santé, jouissant d'une excellente réputation, et aucune cause ne peut être attribuée à son action criminelle. William B. Stearns, président du chemin de fer de Fitchburg, est mort subitement à la Clifton House, Marblehead, dimanche dernier, à l'âge de 56 ans. Il a débuté comme ingénieur civil, et à l'âge de 27 ans, il était chargé de la surveillance sur l'embranchement de Marlborough. Deux années plus tard, il fut nommé surintendant du chemin, charge qu'il occupa jusqu'en 1864, où il fut nommé président, ayant continué ses dernières fonctions jusqu'à sa mort. Pendant son administration, le chemin de fer Vermont et Massachusetts fut pris à bail et le tunnel Hoosac complété. Il fut conclu des arrangements pour la circulation des trains par ce tunnel et diverses autres améliorations ont été faites. Il était maladif depuis une année et il y a deux mois qu'il se trouvait avec sa femme et ses enfants à Marblehead. Il était originaire de Charlestown, où il était grandement respecté. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.